Donc nous allons commencer, si vous voulez bien, on va commencer par un mot de prière. Notre bon Père du ciel, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, tu nous as donné accès à ton trône, à ta présence. Tu nous as rendus saints. Parce qu'il faut être saint pour se présenter devant toi et te parler. Et on veut se tourner vers ta parole, qui est la vérité. Cette parole nous instruit à ton sujet, au sujet de ton Fils. Et le sujet que nous regardons ensemble, c'est la prière. Donc, on voudrait que tu puisses nous aider, encore une fois, à saisir un principe qui va nous guider dans notre relation avec toi. On est conscient, Seigneur, qu'on ne va pas améliorer cette relation-là. On veut mieux la comprendre. On veut mieux la saisir afin de mieux te louer, mieux vivre en accord avec ce que tu es en train de faire. Et au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Si vous avez reçu le texte, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Mais avant, vu que c'est la dernière, c'est le sujet de la prière, on va essayer de résumer un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à date. Si quelqu'un vous demandait, vous avez eu des cours avec François 6 fois, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous retenez dans une phrase du cours. Du cours. Sur le sujet de la prière. Qu'est-ce que. Ben, vous avez appris quoi, là? Il y aurait peut-être une petite phrase. Je retiens ça. Tu sais, là, de mes 6 rencontres, ça m'aiderait, moi, à comprendre ce que vous avez retenu. Puis, hein. Ce qui me frappe le plus, c'est que Paul, il prie. C'est jamais pour lui personnel. C'est toujours par rapport à. Dans le but de faire l'œuvre de Dieu. Mm-hmm. C'est ça que j'en pense. OK. Donc, c'est plus. La prière est plus un outil pour nous aider à faire l'œuvre de Dieu que de nous amener, nous, à faire de quoi pour nous autres dans notre vie personnelle. Ouais, ça, c'est la réalité. Puis, vous regardez la vie de David. Puis, souvent, dans les psaumes, on voit ça. Et on pense que David prie souvent pour lui, mais. Si on comprend la mission que Dieu lui avait confiée, on s'aperçoit que c'est. Il prie toujours dans cette même direction-là de la mission que Dieu lui a confiée. Puis il y a une mission spéciale, là. C'était de tuer tout le monde qui était autour de lui quasiment. Là. Nous autres, faut faire attention quand on. Si on veut prier avec les psaumes, là. C'est pas la même mission que tu as fait. Pas tout à fait. C'est le Seigneur. Il dit des fois du Seigneur, casse-là les dents. Ouais. Peux-tu prier ça pour mon voisin? Fais attention. D'autres idées que vous avez retenues? L'apôtre Paul souvent va rendre grâce oui. en partant. Oui. Il va remercier Dieu. Oui. Je trouve que c'est bien quand tu vas dans la prière, c'est pas juste donne-moi, fais ça. C'est vraiment je rends grâce à Dieu pour vous, pour les gens pour qui je prie. C'est vrai. Quelqu'un mettait sur son mur de Facebook cette semaine, il dit je remercie je sais pas qui, puis je remercie je sais pas pourquoi au complet, mais je vous remercie, la vie est belle, tout ça, là, puis il fait un paragraphe de remerciement, comme il dit je suis gâté, ça va bien, la vie est bonne pour moi, tu sais, ça va bien. Puis j'ai dit plus on dit merci dans les beaux jours, moins les mauvais jours nous accablent. Plus on dit merci. Quand il y a une petite journée de pluie, bon, on a dit merci pendant 5 jours de beau temps. La vie de la journée de pluie, elle est encore là, mais on ne la voit pas de la même. On a tellement eu du beau temps que Dieu a tellement de bénédictions pour nous autres que même quand on pense qu'il n'y a pas de bénédiction, malgré que c'est encore de la bénédiction souvent, on va dire, il a tellement fait pour nous autres. Ça nous aide à accepter les moments de la vie qui nous semblent plus noirs, plus tristes, dans ce sens-là. Il y a une autre chose qu'on a vue ensemble, l'apôtre Paul a prié souvent, c'est la connaissance. Oui. Il veut connaître. Il veut connaître. Je prie afin que votre connaissance augmente. Augmente. Si vous voulez pousser ça un petit peu, je vous conseille de lire 2 Pierre. Et le mot connaissance revient, je ne sais pas combien de fois, dans les 2e épître de Pierre. C'est juste ça qui parle. Parce qu'il voit la difficulté dans la vie des chrétiens. Puis il dit, il leur parle, puis il leur dit tout au long, augmentez votre connaissance, augmentez votre connaissance. C'est la connaissance de Dieu. Ben oui, oui. Puis de son plan, de son œuvre, de ce qu'il est en train de faire. Et il commence en parlant de ça, puis il termine en disant que votre connaissance augmente. Puis il finit encore avec ça. C'est vraiment un épître consacré. Parce qu'il perçoit que les chrétiens ont des problèmes et c'est un manque de connaissance qui fait qu'il y a un problème. Puis aussi, Paul a prié souvent, augmente, je prie que votre amour augmente. Donc, il veut que l'amour augmente, l'amour pour Dieu. Mais il dit, en toute connaissance. Donc, pour moi, c'est une prière qui devrait être constante dans notre vie. Seigneur, je veux comprendre, je veux connaître, je veux savoir qui tu es, qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu as planifié pour mon avenir en tant que qu'Église, pour ta gloire. Donc c'est, et on a vu aussi dans nos prières, on recherche sa gloire et non pas notre bien-être personnel. C'est dans ce sens-là qu'on a vu que la prière n'était pas vraiment pour améliorer notre vie de tous les jours, mais pour qu'on puisse servir Dieu à travers notre ministère de la prière. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être un peu dans la même direction. J'ai intitulé ça « Accepter un non » dans notre vie de prière. Accepter un non ou des noms de la part de Dieu. Que Dieu dise non. Okay. Non, non, je ne te répondrai pas. Je ne te donnerai pas ce que tu demandes. Ce n'est pas dans mon plan ce que tu demandes. Et donc, Paul va nous partager ça. Et je crois que c'est intéressant pour nous autres de comprendre ça. Parce que vous, comme moi, c'est peut-être à cause de moi, même peut-être que je vous l'ai enseigné il y a 20 ans en arrière. Là, je tentais de vous dire le contraire un matin. Mais on a appris que vous ne voulez pas accepter un non. Vous voulez prier jusqu'à temps qu'on avait la réponse. Demande-le, puis lâche pas, puis il va finir par te le donner. Fait que là, c'est l'apôtre Paul va nous montrer ce matin que c'est peut-être pas la meilleure chose dans ce temps-là de vouloir qu'à tout prix nos prières soient exaucées. OK? Donc, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1, puis on va lire jusqu'au verset 10. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions. Il y a des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est toute une expérience, là. Pas facile à comprendre trop. Puis Paul, ça semble pas facile à expliquer, parce qu'il répète 2-3 fois, je ne sais pas si c'est dans son corps, de son corps. Par-tu lui-même? Oui, par après, on voit que c'est de lui qui parle. Mais, comme idiot, c'est pas bon de se glorifier, fait qu'il fait attention de pas trop que les gens regardent vers lui, et disent, ah, il est spécial, lui, était. Mais on va voir que c'est de lui qui parle. On pense que c'est de lui qui parle. Parce que si c'est un fait que Paul, que ce soit dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, qui était amené au paradis, c'est spécial. C'est spécial, c'est une expérience spéciale. Il n'y a pas grand chrétien qui ont vécu ça. Et il y aurait, si c'est Paul, mais peu importe si c'est lui ou là, le gars, là, en tout cas, si ça serait moi, j'aurais bien tendance à m'en péter les bretelles. Bien tendance à m'en péter, comme on dit en québécois, les bretelles. Et c'est ça que Paul va parler ici, dans ce sens-là. Donc, il dit au verset 5, « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je me ne glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations. » Donc, c'est quoi les révélations? C'est ce qu'il a entendu dans le paradis. Fait que c'est de lui qui parlait, là, parce qu'en rapport à ça, ça ne ferait plus de sens là, dans le texte. Donc, « Il m'a été mis un écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Donc, ça, c'est l'expérience que Paul vit, puis il dit qu'il vit quelque chose. Encore là, on n'est pas certain. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là, d'ange de Satan qui le soufflette? Soufflette, c'est des claques, hein? Soufflette, c'est une petite claque, c'est pas un coup de poing, c'est une claque dans la face. Tu dis, de quoi est-ce qu'il parle? Il dit, un ange de Satan qui me soufflette. Puis un ange de Satan qui est utilisé pour l'empêcher de devenir orgueilleux. Depuis quand Satan? Mais je crois que Satan, on n'est pas sûr, Satan, je ne pense pas qu'il est conscient que Dieu est que Dieu fait ça pour l'empêcher de devenir orgueilleux. Mais Paul, il semble dire, à cause des révélations que j'ai reçues, si dans mon corps, si hors de mon corps, je ne sais, Dieu le sait, mais il dit, j'ai tendance à être orgueilleux, j'aurais tendance à devenir orgueilleux. Et je crois qu'il l'était. C'est pour ça que l'ange de Satan est venu dans sa vie. Ou, voyons, Dieu le voyait venir, puis il dit, avant que ça commence, je vais t'en envoyer un. Mais comment est-ce qu'on peut faire un lien avec Job? Tu sais, comme Satan qui touche à Job. On n'est pas certain. Mais si vous écoutez John MacArthur, si vous écoutez Piper, si vous écoutez Sproul, si vous écoutez Nolette, si vous écoutez Michel la Bible, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec sur quoi c'est quoi l'ange de Satan. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette écharde-là? Vous avez tous été pris comme moi avec des échardes dans la chair. On l'a lu ce bout-là. Là. On l'a lu au verset 7. Là. Il m'a été mis un écharde dans la chair. Un ange de Satan. Donc, l'écharde, vous savez comme moi que quand vous en avez une, ça vous énerve tant qu'elle n'est pas enlevée. Là, il y en a qui prennent une aiguille, il y en a qui prennent des coupons, il y en a qui prennent. Les femmes, si ont des grandes ongles, veux-tu m'enlever ça? Moi, je ne suis pas capable, je n'ai pas d'ongles. On veut faire de quoi? Ça nous énerve. Là, un écharpe dans la chair. Tu as déjà écouté MacArthur, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? MacArthur lui dit c'est quelqu'un, un chrétien, dans la vie de MacArthur, dans la vie de Paul, qui le taraude. Parce que Paul parle ailleurs qu'il est accablé, les gens mettent en question son ministère. Puis Dieu a mis des gens dans sa vie à Paul pour le garder humble. Ça pourrait que Dieu permette ça, mais on ne peut pas garantir si c'est ça ici. Mais MacArthur, il va pas mal loin d'atteindre. D'autres vont dire que c'est Paul avait les yeux, c'est une maladie. Que Paul lui dit, c'est avec des grandes lettres que vous écrivez, puis il dit, vous allez arracher les yeux pour me les donner si c'était possible. Ça veut dire que Paul, à la fin de sa vie, avait des problèmes avec ses yeux. Il voyait moins bien. Il n'avait pas les lunettes dans le temps. Hein? Fait qu'il n'avait pas mis à 60 ans du tout, probablement, qu'il a commencé à avoir des problèmes de lecture. Et il semblerait que peut-être qu'il y avait une maladie avec ses yeux. Puis il dit ailleurs dans une épître, il dit, l'infirmité que j'ai ne vous est pas. Il ne vous a pas poussé à me repousser, mais vous m'avez accepté comme j'étais, même avec ma, mon infirmité. Donc, il y en a qui disent que c'est ça que Dieu a remis. Parce que chez les Juifs, quelqu'un qui avait des problèmes physiques, il reliait ça souvent avec le péché, avec... c'est une épreuve que Dieu t'envoie. On a déjà eu cette tendance-là dans les églises. Si tu es malade, tu vas avoir un péché dans ta vie. Tu doutes, là, tu vas avoir un péché dans ta vie. Là. On a tendance à relier ça. Puis je crois qu'on a une certaine raison. On peut relier le péché à bien des affaires de notre vie. Là. Mais c'est pas évident. Okay? C'est pas évident de commencer à dire si tu as mal au dos parce que tu as fait un péché hier. Tu sais, là, c'est pas évident. Mais fait qu'il y en a qui sont. On n'est pas sûr. Puis c'est la seule place où ce que Paul emploie l'expression un ange de Satan dans ma chair. Fait que là, étais-tu possédé? Déjà, est-ce que Paul a été possédé? Un ange de Satan dans sa chair? Ça nous laisse perplexe, hein? Ça nous laisse perplexe. Fait que Paul, il ne va pas plus loin, il fait juste nous dire ça. Mais il y a une chose qu'on est sûr, c'est la raison que Paul, il l'a. Dieu veut empêcher Paul d'être orgueilleux. Il veut l'aider à être humble. Il veut l'aider à combattre son orgueil. Je ne crois pas qu'il est devenu sans orgueil, parce que si ça aurait été ça, l'ange aurait été enlevé, ça aurait été fini. T'sais, à un coup qu'il aurait été réglé son problème d'orgueil, il n'y aurait plus eu d'ange. Mais l'ange reste là. Le char reste là. Ça veut dire que je ne sais pas si ça restait là tout le restant de sa vie. C'est-à-dire que Paul aurait eu tendance tout le temps de sa vie à devenir orgueilleux à cause de ces révélations-là qu'il y a eu dans le paradis. C'est dans son corps, on ne sait pas. Dieu le sait. Mais ce qu'on veut qu'on voit ce matin, c'est que Paul, lui, prie pendant un certain temps de sa vie pour que Dieu enlève cette écharpe-là de sa vie. C'est là qu'on s'en va nous autres ce matin. Il prie parce qu'il y a une situation difficile dans sa vie. Il ne la comprend pas, en tout cas, il ne voit pas. Pour certains temps, il ne voit pas ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Puis il a l'impression, puis là, si on voudrait le mettre le plus spirituel qu'on peut, il a peut-être l'impression que cette écharpe-là lui nuit pour faire le ministère. Seigneur, j'ai déjà prié ça, peut-être vous avez déjà prié ça. Seigneur, il me semble que si je n'avais pas ça, je pourrais en faire plus pour toi. Il me semble que si j'avais plus de ça, je pourrais faire plus d'évangélisation, ou si tu me faisais gagner le million, je te donnerais 500 000. Tu sais, là. Peut-être que je pourrais en faire plus si tu me donnerais ma réponse à la prière. Peut-être, est-ce que Paul voit que cette écharpe-là qu'il y a dans la chair est un obstacle ou une nuisance pour faire l'œuvre du ministère qu'il veut faire en tant que missionnaire? Peut-être. Mais une chose est certaine, il veut l'enlever. Il veut que ça disparaisse de sa vie. Pour l'enlever. Ça, c'est ce qu'on va lire. À partir du verset 8, trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc, on a l'impression que ça pourrait être une personne. On ne peut pas éloigner une maladie des yeux, on ne peut pas. Ou bien non, est-ce qu'il pensait que le fait d'éloigner l'ange de Satan, ça ferait une guérison? Mais en tout cas, il veut que ça s'en aille de sa vie, cette situation-là, cet écharpe-là. Qui trouve, lui, déplaisant. Parce que ça aurait été plaisant, habituellement, on est prêt à l'accepter. Mm-hmm. Si Dieu m'envoie un cadeau tous les mois, j'ai tendance à l'accepter. Mais si ça fait mal, si c'est douloureux, si c'est, à nos yeux, nuisible, on a tendance à vouloir le faire disparaître. Et combien de fois, je ne sais pas pour vous autres, mais combien de fois, même encore aujourd'hui, même avec ce que j'apprends de plus en plus, on a tendance, dans les moments difficiles, douloureux, de dire à Dieu, pourquoi tu n'enlèveras pas ça? Pourquoi tu n'enlèveras pas ça? Ouais, c'est moi, je suis allé voir mon médecin, il n'y a pas tellement longtemps, 2-3 semaines. Il a dit, monsieur Nett, on a épuisé toutes nos possibilités. C'est fini, vous allez rester avec votre écharpe dans la chair. Elle n'a pas dit ça comme ça. dans ma tête, ça voulait dire ça. Puis là, la première réaction que toi, tu te tournes vers Dieu, tu as tendance à dire, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas de quoi? Pourquoi? C'est la tendance qu'on a tout de suite. Là. J'aimerais que ça s'en aille, cette affaire-là. Puis là, dans notre tête, on peut trouver des raisons spirituelles. J'aime mieux, je pourrais faire plus. Je serais plus en santé, donc je pourrais peut-être en faire un peu plus. Dieu. Oui, c'est. Il n'a pas dit l'autre capitule. Il n'a pas eu besoin, je l'ai arrêté. Bon, voilà, on continue. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Wow. Donc, au verset 8, ce qui me surprend, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils disent trois fois. Mm-hmm. Il me semble que j'aurais été compris mieux 30 fois, ouais. Ou 300 fois. Ça fait un an, Seigneur, je prie là-dessus. Ça fait 10 ans que je prie que tu sauves telle personne. Mm-hmm. Ça fait 30 ans que je prie que tu m'aides avec tel péché. Il me semble que j'aurais pu m'identifier avec lui. Il me semble que ah oui, mais là, je te comprends, Paul. Mais trois fois, me semble, c'est pas beaucoup. Mais pour Paul, il semble qu'il n'était pas habitué de prier trois fois pour la même chose. Ça fait trois fois, Seigneur, là. En voulant dire, me semble, habituellement, ça va plus vite que ça. Mm-hmm. Trois fois, puis tu ne m'as pas répondu. Fait que là, ça l'interpelle. Il ne comprend pas pourquoi Dieu ne l'enlève pas. Fait que je crois qu'il devait faire comme nous, parce que Paul est pareil comme nous, un être humain, avec sa chair et avec sa régénération et l'Esprit de Dieu comme nous. Il est comme nous, Paul. Donc, il ne faut pas voir Paul comme un SS. Tu sais quoi, des SS? Oui. C'est des super spirituels. Okay. Il n'était pas un SS. C'est un homme pareil comme nous, avec nos mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Et lui, tout ça, il prenait de la connaissance pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans sa vie, pour comprendre ce que Dieu était en train de faire. Puis je crois que dans sa vie, à ce moment-là... Là, il a appris quelque chose. Il a appris quelque chose, là. À ce moment-là, Dieu lui a dit... Dieu lui a parlé. On ne sait pas comment. Il m'a dit. As-tu entendu? As-tu eu un ange de Dieu, ce coup-là? L'autre, tu as un ange de Satan. Là. On ne le sait pas. Mais Dieu lui a dit. Sais-tu par une vérité? Un principe qu'il a compris, un passage de l'Ancien Testament, ça peut être ça. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Tu vas rester comme ça. On ne sait pas si c'est pour le restant de sa vie. Si c'est pour les yeux, c'est le restant de sa vie. Si c'est pour le fait d'avoir des chrétiens qui chialent après lui, maintenant, ça va pas rester dans sa vie aussi, parce qu'il y en aura toujours, des gens autour de nous, que ce soit dans notre propre maison, que ce soit qui vont nous dire des choses qui vont nous garder humbles. Ça peut être des vérités comme des choses qui ne sont pas vraies. Ça peut être ils vont nous dire des choses qui sont vraies, mais exagérées, mais ça va tout de même nous garder humbles, nous remettre à... Tu n'es pas rendu. Là, mon honnête, tu n'es pas dans la perfection. Là, tu ne comprends pas tout. Tu es loin d'être parfait. Tu es loin d'être parfait. Il faut le voir comme bon, ça. Ben oui. Des fois, on réagit, là, mais Dieu permet ça dans notre vie. Là. Il y avait déjà quelqu'un qui a dit, « Moi, l'ange de Satan, je pense que c'est de ma femme. Tu sais, les chars de ma chair, c'est elle qui me garde humble. » Tout le monde savait de quoi ce qu'il parlait. Là. Mais en voulant dire... Dieu peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui, dans notre vie pour nous aider. Parce que moi, je vous dis... Nous aider à faire ça. Bien, nous aider à être humbles, à remettre la gloire. Parce que, je vous garantis, on n'a pas été au ciel, là, ni dans ma chair, ni dans mon esprit. Okay? Mais les révélations qu'on a reçues, je vous dis, je parlais avec une chrétienne hier, puis elle dit... que quand elle parle avec des inconvertis, elle a tendance à être agressif, tendance à être... Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, donc? Pourquoi qu'ils ne voient pas, donc? Pourquoi elle a tendance à être condescendante. Hein? Donc, c'est de l'orgueil. Donc, nous aussi, on a des révélations. Nous autres aussi, on en connaît des choses que le monde ne connaît pas. Si on ne fait pas attention, ça peut être... On peut être condescendant, dans le sens... de façon négative... pourquoi tu ne comprends pas? Donc, pourtant, j'ai expliqué. faut pas oublier que ça nous a été révélé. Ben oui. C'est, il y a eu un miracle pour qu'on comprenne. Il y a eu un miracle pour qu'on comprenne. Donc, Paul, il dit ici, Dieu dit, Paul, je te dis non. L'ange de Satan va rester là, dans ta chair. Il va rester là. Et comment est-ce qu'il a su ça? Il semble que Paul comprend que Dieu, s'il n'a pas donné une réponse positive et enlevé l'ange, il comprend que Dieu dit non. Sais-tu, il m'a dit, est-ce que c'est pour lui la façon de dire, j'ai compris que Dieu ne l'enlèvera pas. J'ai compris que ma grâce te suffit. Peu importe où est-ce que tu vas être, en prison, en santé, en maladie, dans le palais royal, peu importe ce que tu vas être, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que vous comprenez par « ma grâce te suffit » Comment vous voyez ça? Ça aussi, il y a des interprétations différentes là-dessus, parmi les chrétiens. Comment? C'est-tu la grâce du salut? C'est ce qu'on se pense, c'est comme question. Est-ce que c'est la grâce du salut? Est-ce que c'est une grâce continue dans la vie chrétienne? On a de la misère à saisir. Mais qu'est-ce qui est en train de dire? Parce qu'il y en a qui parlent d'une... Est-ce que c'est un genre de force que Dieu lui donne constamment par l'Esprit Saint qui est en lui? Est-ce que c'est la grâce dans le sens que les vérités que tu comprends? Comment on peut interpréter ça pour que nous aussi, quand Dieu nous dit non, est-ce qu'on peut entendre sa voix nous dire « ma grâce te suffit » Moi, j'ai tendance à penser à joindre les deux un peu, dans le sens que Dieu, écoute, je t'ai pardonné, je t'ai sauvé, je t'ai passé d'un royaume à un autre, je t'ai révélé ma parole. Tout ça, c'est assez pour que tu fasses mon œuvre. OK. T'as pas besoin de plus. T'as pas besoin d'avoir plus de santé, t'as pas besoin d'avoir plus d'intelligence, t'as mon esprit, tout ça. Dis, ma grâce te suffit pour que tu puisses continuer. OK. T'as pas besoin que je t'ajoute. OK. Donc, on peut le rejoindre. Si on veut faire ça, si je médite ou si je comprends ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il va faire, ça va m'aider à continuer à le servir. Dieu m'a déjà tout donné ce que j'ai besoin pour continuer, pour faire son œuvre, pour le servir. OK. Ce qu'il est en train de dire à Paul aussi. OK. C'est sûr que c'est relié à l'orgueil, dans ce sens-là. Oui. Donc, le lien, est-ce que le fait de comprendre pourquoi Dieu avait mis l'écharpe dans la chair n'a pas aidé Paul à l'accepter, l'écharpe dans la chair? Oui. OK, en même temps. Oui. Le fait qu'il comprenne que c'était pour le garder humble ou l'empêcher de devenir orgueilleux, si c'est pour ça, je suis plus prêt à l'accepter. Mm-hmm. Je peux l'accepter. Ça, c'est, moi, j'appelle ça un côté de la médaille. C'est, Seigneur, tu fais des choses dans ma vie, tu envoies des choses dans ma vie, mes prières voudraient l'enlever. Voudraient que ça s'enlève. Je voudrais utiliser la prière pour que enlever ces choses-là dans ma vie. Le fait qu'il sait pourquoi que Dieu l'a mis là, ça l'aide à l'accepter. Je crois qu'on pourrait relier ça à « ma grâce te suffit ». Paul, gracieusement, sans que tu me l'aies demandé, j'ai mis dans ta chair quelque chose pour t'aider à ne pas être orgueilleux. Tu sais, nous, on va prier, « Seigneur, enlève-moi l'orgueil, Seigneur, enlève-moi l'orgueil. » Mais Dieu, il dit ici, « J'ai même fait des choses avant que tu me le demandes pour t'aider à ne pas être orgueilleux. » C'est ça le lien que à mesure que tu parles. Paul, il dit, « Aide-moi. » Puis Dieu dit, « Je suis en train de t'aider. » Je t'ai déjà aidé. J'ai déjà fait de quoi? Nous, des fois, on dit, « Aide-moi à ne pas être orgueilleux ou aide-moi à être plus patient. » Dieu dit, « Je t'ai devancé, mon chum. » Ben oui. C'est pour ça que je vous ai déjà dit, nos prières, ce n'est pas pour faire bouger Dieu, c'est plutôt pour comprendre que Dieu a bougé, puis que nous, on veut bouger dans la même direction. On veut bouger dans la même direction. Et je suis certain que si Dieu fait ça pour Paul, personnellement, je crois qu'il le fait pour chacun de ses enfants. Je vais moi t'aider à rester humble. Je vais moi t'aider à être plus patient. Je vais moi t'aider à être plus reconnaissant. Tu sais, à rendre grâce, comme on disait tout à l'heure. Je vais t'aider, moi. Je fais de quoi? Et toi, j'aimerais que tu... ce que je te demande, c'est de ne pas aller contre ça, au moins. Même si tu ne plieras pas pour que ça arrive, au moins, il ne va pas contre ce que je suis en train de faire. Parce que Paul, il est en train de réaliser qu'il est en train d'aller contre Dieu. Enlève cet ange de Satan-là. Mais il dit, c'est moi qui l'ai mis là. C'est moi. Puis il va rester là. Comme on, des fois, on pourrait dire, enlève la maladie que j'ai. C'est moi qui l'ai mis là. J'ai une raison pourquoi je l'ai mis là. Dans ton petit partage, j'ai une raison pourquoi je t'ai mis dans la prison, Paul. J'ai un joaillier là. Et moi, je veux que tu parles. Ça, c'est un exemple qu'on a dans la Bible. Mais dans notre vie, Dieu nous met dans des situations. Il peut nous emmener dans un lit d'hôpital, il peut nous emmener dans un palais, comme il l'a fait avec Paul. Il peut nous enlever notre argent comme il peut nous en donner par un héritage ou je ne sais pas quoi d'autre. Il peut le faire. Mais est-ce que moi, je vais l'accepter? Moi, si je vais demander de changer ça. Seigneur, j'ai gagné le million, mais j'aimerais ça que tu l'enlèves. Tu sais que j'ai peur d'être gaspilleux ou de. Pas tout à fait de même. Pourquoi tu m'as donné le million, Seigneur? Pourquoi tu veux que pourquoi tu as permis que je l'aie le million, là? Est-ce que tu veux que j'utilise ça pour ta gloire? Est-ce que tu veux que je fasse ça pour ton œuvre? Est-ce que tu veux que je soutienne un missionnaire, peut-être? Est-ce que tu veux que. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet argent-là? Tu me l'as donné, tu as certainement une raison pourquoi, là. C'est pas juste pour que je m'ajoute un lit plus moelleux. Oui, je pourrais faire ça, mais c'est peut-être pas juste ça. Comment est-ce que je peux comprendre ça dans l'ensemble? Comme le côté négatif, c'est le côté positif, on a moins de misère. Mais le côté négatif, on a plus de misère. Pourquoi est-ce que tu t'as permis qu'il y ait un crash à la bourse, puis le petit peu d'économie que j'avais mis de côté pour mes vieux jours, je la perds toute. Je la perds toute. Pourquoi, Seigneur, t'as permis ça? Bien, c'est parce que je t'aime, hein, puis je veux que tu ne sois pas orgueilleux, je veux que tu as peine d'être reconnaissant, je veux que tu comprennes que je suis suffisant à ta joie, parce qu'il y a des raisons. De penser que la prière va faire bouger Dieu, je crois que c'est une erreur. Je crois que la prière, ça va m'aider à accepter que Dieu ait bougé dans ma vie. J'ai mis un écharpe dans ta chair. Tu devrais l'accepter. Tu devrais l'accepter. Puis des fois, quand on ne comprend pas, le Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu permets ça dans ma vie ou pourquoi tu as voulu ça dans ma vie. Mais donne-moi si je peux le comprendre, je vais être content. S'il y a des principes dans la Bible que je peux trouver pour le comprendre, je vais être heureux. Mais même si je ne le comprendrai pas, je sais que tu veux mon bien. Et je vais essayer d'utiliser ça pour te glorifier. Je vais essayer d'utiliser ça pour te rendre grâce. Je vais essayer d'utiliser ça pour démontrer ta bonté. Je vais, en tout cas, peu importe pourquoi. Mais ici, tu dis, il m'a dit, peu importe comment, là, ma grâce te suffit. Parce que je crois que c'était une grâce de Dieu qu'il y ait un ange de Satan dans sa chair. C'est une grâce que Dieu travaille dans la vie de Paul pour l'empêcher d'être orgueilleux. C'était pas mérité. C'était un péché, c'est l'orgueil. C'était pas mérité, là. Parce que s'il est orgueilleux, ça, en tout cas, ça empêche-tu la puissance de Dieu de s'accomplir? Ou... Non, parce que Dieu, il va mettre l'écharpe un peu plus grosse. Dieu, il y arrive toujours. Tu peux pas empêcher Dieu de faire son œuvre. Parce que plus loin, là. Là, il va dire quoi? Il dit, si on continue, puis il dit, « Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Dieu nous garde faibles. Puis je crois que, personnellement, je crois que c'est pour ça que, personnellement, qu'il nous a demandé de vivre notre vie chrétienne dans la chair. Je crois que c'est une des raisons. Dieu nous laisse vivre la vie chrétienne dans la chair. C'est-à-dire qu'on a encore la chair accrochée après nous autres. On est là-dedans. Il aurait pu dire, je te sanctifie, je te glorifie, puis tu es parfait maintenant, tu vas me servir, tu es un serviteur, servante parfaite. Pendant 30 ans, tu es là sur la terre. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne m'a pas régénéré dans ma totalité, mais juste une partie? Je crois que dans ce sens-là, je crois qu'en partie, il nous garde faibles. Et on est obligé de rendre gloire à Dieu. On est obligé de dire, c'est par sa grâce. On est obligé de dire, ben, il est tellement bon, il m'a pardonné. Excusez. Et il dit, je me glorifierai donc, ça c'est Paul qui dit ça, bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc là, il voit, lui, que il comprend qu'à cause qu'il y a une écharpe dans la chair, il est plus porté à s'appuyer sur Dieu, à s'attendre à Dieu. Donc, il dit, je suis plus fort dans cette attitude-là. Et plus fort, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, mais il faudrait prendre le temps d'analyser, mais c'est quoi la différence entre un chrétien faible ou un chrétien fort? Parce qu'il dit, c'est quand je suis faible, dans le sens que quand lui voit son état de faiblesse, qu'il devient fort. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi quand je vois mon état de faiblesse, que je deviens fort? Comment vous comprenez ça? Parce que si on veut le comprendre, pour qu'on l'applique dans notre vie, là, au verset 10, il dit, on va finir de lire. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Là, il parle de ces faiblesses de la chair. Il dit, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Il faut bien le voir, pour Christ. Hein? Okay? Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, Paul, il dit, dans mon état de faiblesse, je l'accepte et je suis fort. Je suis fort dans ce temps-là. Comment vous comprenez ça? Comment vous allez voir qui est plus fort? Comment vous allez voir le chrétien et dire, ce chrétien-là, il est fort? Ou comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce qu'on peut analyser ça dans notre vie? Un chrétien fort, pourquoi tu es fort? Parce que je vois mes faiblesses. Parce qu'il dépend de Dieu. OK. Il se repose. Il se repose sur Dieu. Il ne s'appuie pas sur ses capacités, ses propres forces, son intelligence, sa force physique, sa diversité, tout ça. Il dit, je me repose sur Dieu. Dans d'autres textes, il dit, je suis venu devant vous, je me suis présenté dans un état de grand tremblement. Puis, c'était pas le chef, je pense que... Oui. Donc là, il dit, je me repose sur Dieu. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui vous convainc, c'est Dieu qui vous fortifie, tout ça. Donc, moi, je m'appuie ça, pour vous parler, pour vous convaincre. OK. C'est pas sur moi. Sinon, c'est la chair. C'est plus Dieu. OK. Quand on est orgueilleux, hein, ça rend pas gloire à Dieu. OK. Fait que c'est... Donc, est-ce que le fait d'être fort, comment est-ce que je peux traduire ça, cette force-là, dire, là, si tu touches le côté orgueil, moi je dis on s'en va dans la bonne direction, parce que le but, Paul avait tendance à vouloir être orgueilleux. Puis là, Dieu dit, je te garde, est humble. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Souvent, quand tu es orgueilleux, tu vas te penser meilleur. Tu vas juger, peut-être, les autres. OK, soit jugé ou condamné. Là, mais tu vas certainement moins donner gloire à Dieu. Tu vas être moins... C'est là la clé. Tu vas être moins porté à l'action de grâce, à la louange. Moi, je te dis, un chrétien est fort, c'est quand un chrétien est capable de louer Dieu et de rendre gloire à Dieu dans n'importe quelle situation. C'est là qu'il est fort. Parce que le but de tout ça, c'est rendre gloire à Dieu. Fait que si ça ne se rend pas là, j'ai pas atteint le but. Le but de tout ça, c'est que Dieu soit glorifié. L'orgueil m'empêche de le glorifier, je me glorifie. Parce que, hey, je dois être quelqu'un de spécial. Il m'a emmené au paradis. C'est très subtil. Hein? C'est sournois, mon gars. C'est quand Dieu me rend humble ou humilié dans ce sens-là. Vous me faites voir mon état. Moi, c'est ce que j'accomplis, que je peux glorifier. Voilà, là, je l'accomplis. Ce qu'il veut que j'accomplisse, c'est que je lui dis, c'est pas par moi, je ne méritais pas d'aller au paradis. Je pourrais me glorifier d'un tel homme, mais pas de moi. Moi, je suis rien, là. C'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu qui. Parce que quand on lit le passage là, de 1 à 8, là, on ne ressent pas du tout que Paul est orgueilleux à cause des révélations qu'il a eues. Mais là, il finit par dire, « Ouais, c'est parce qu'il m'a mis un ange de Satan, puis je le serai à bébite. » Donc, il est en train de remercier Dieu de l'ange, finalement. Puis là, il écrit, c'est après que ça s'est passé, qu'il a écrit ça. Il remercie Dieu d'avoir mis un ange de Satan, parce qu'il dit, « Finalement, ça m'a rendu fort, et je peux vous écrire ça en glorifiant Dieu. » Et ça l'a rendu fort dans sa connaissance, fort dans sa foi, dans sa confiance en Dieu? Fort, ici, je le traduirais comme c'est... Convaincu. Il réalise que c'est Dieu qui est derrière. Le fort va rendre louange à Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est ça, le fort. Le fort, ce n'est pas celui qui pêche moins, c'est pas celui qui fait plus d'évangélisation, c'est pas ça qu'on parle ici. Dans le texte, c'est Paul est en train de dire je me plais maintenant dans mes moments de faiblesse. Parce que quand je suis dans les moments de faiblesse, je suis faible. Le moment de faiblesse dont il fait mention ici, c'est la chair dans la chair. Qui a été mis pour pas que ce soit orgueilleux. Donc, vu que je l'accepte, c'est ça, automatiquement, je suis humble, plus, puis là, je rends gloire à Dieu de tout ça. Moi, je vous dis qu'un chrétien qui rend gloire à Dieu dans les moments de faiblesse qu'on a ou de... que Dieu... ou ce qu'il réalise qu'il y a un ange de sa vie, de Satan, peu importe c'est quoi, et qui est capable de rendre gloire à Dieu, puis de l'accepter, puis de dire, Seigneur, je te rends gloire, puis je sais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, et je peux te rendre gloire. Je te rends gloire en comptant sur toi, je te rends gloire en disant que c'est toi qui le fais, je te rends gloire en... C'est automatiquement... je peux même rendre gloire à Dieu après avoir péché, parce qu'il m'aime quand même, il l'a effacé, ce péché-là, à cause de Jésus, ce qu'il a fait en Jésus-Christ. C'est pas que je dis merci parce que j'ai péché, mais j'ai péché, et puis là, ça révèle ma faiblesse. Le péché révèle ma faiblesse, révèle mon état. Et je peux me faire le bord et dire, quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort, parce que je peux dire, c'est gloire à Dieu. Je peux dire que c'est à cause de lui que j'ai la conviction d'être pardonné. C'est à cause de lui que j'ai la conviction que je suis en relation avec Dieu, puis qu'un jour, je vais être dans sa présence de façon parfaite, parce qu'il m'a pardonné en Jésus-Christ. Donc, quand je suis faible, quand j'ai vu ma faiblesse initiale, je ne peux pas me sauver. Je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai devenu fort. J'ai demandé à Dieu, sauve-moi. Le fait de dire à quelqu'un, sauve-moi, c'est d'être fort. Puis nous, on dirait, mais non, c'est un état de faiblesse, ça, de demander. Quand je crie, sauve-moi, c'est parce que je ne suis pas capable. Mais c'est ça que la Bible appelle quelqu'un de fort. C'est ça que la Bible appelle quelqu'un de fort. Si c'est lui qui dit à Dieu, aide-moi, ça, c'est une personne forte. Fort, selon ce que Dieu... Pour un homme qui se réalise, qui est en train de se noyer, puis qui ne crie pas « Sauve-moi », il coule, puis il se noie. Il démontre qu'il vit dans sa faiblesse, puis qu'il reste dans sa faiblesse. Celui qui est en train de se noyer, puis qui crie « Sauve-moi », il démontre une force de caractère, une force qui dit « ben il était assez fin, on va dire, il était assez fin pour demander de l'aide. » Tu sais, on va dire ça des fois, on va dire, il était assez fin pour demander de l'aide. Il a plus son orgueil. Ça démontre que, il y a une certaine intelligence, une certaine force, une certaine qui a demandé de l'aide. Et je crois que Dieu dit, ce que j'aime, c'est les cœurs repentants. Il va dire ça, ça nous paraît drôle, tu sais, de dire ça. Quelqu'un nous dira ça, nous dit, ce que j'aime de toi, François, c'est quand tu te repens. Bon, ma mieux, tu dis autre chose. Là. C'est mieux, tu dis, je t'aime, François, quand tu as gagné ça, quand tu as fait ci. C'est vraiment contraire à la société. À notre chair. Notre chair, elle voudrait que tu me fasses un compliment parce que j'ai fait un exploit. J'ai gagné la course, j'ai gagné ici, j'ai fait ci, mes talents sont exposés, j'ai gagné le premier pied avec mes toiles. Mais que tu me dises, j'aime ça quand je vois la faiblesse en toi. Bon, là, c'est pas ça que j'aimerais, moi, là. T'sais. Mais Paul, il dit, quand je me vois faible, Paul peut se réjouir. Où est-ce qu'il dit ça? Je me plais, c'est-tu le mot qui est employé? Il me semble que oui. C'est pourquoi je me plais. Oui, ouais. Je me glorifie ou alors je me plais, il emploie les deux expressions. Je me plais dans mon état de faiblesse ou dans les situations qui démontrent ma faiblesse. Sais-tu, pendant que tu parlais de je me plais dans ma faiblesse ou l'humilité, l'orgueil, tout ça, ça me fait penser quand je suis au travail ou quand je suis à la maison. Et que les gens vont tout simplement vont faire remarquer ce que j'aime pas, je n'aime pas ça, que je ne suis pas parfait. Ils ne disent jamais ça comme ça, hein. Tu n'es pas parfait, c'est juste, ah, on a vu une erreur là, ah, tu as dit ça. Puis mon enfant me le dit, puis ou me le communique, ou ma femme me le communique d'une certaine façon. Puis moi, je l'ai fait la même chose. Puis j'ai tendance à prendre ça mal, puis tu es en train de dire là, pourquoi tu me diminues? Pourquoi tu me dis ouais, que ouais. je suis pas fin? Je suis pas... Puis là, en écoutant ce que tu dis, genre, ben, je disais merci Seigneur pour me montrer qui je suis réellement, puis en même temps, la grâce que tu as eue envers moi, que c'est pas à cause que je suis parfait, parce que je supporte que tu m'as sauvé, envers moi, tout ça, ton amour. Parce que quand... Vas-y. Toi aussi, que tout ça, là, c'est en rien. Comme il dit, là, ça lui fait réaliser ça, mais ça, je trouve que ça nous aide aussi à avoir de la grâce pour les autres. Oui. La compassion, la grâce. Parce que le but c'est de ce passage-là pour nous autres ce matin, c'est que Dieu nous dit non à beaucoup de requêtes qu'on pourrait faire. Parce qu'il y a un objectif en arrière qui est sa gloire. Puis il dit, si je te répondrais à ta prière, moi je recevrais moins de gloire. Tu deviens orgueilleux, mon père. Et si tu deviens orgueilleux dans cette situation-là, moi, je ne suis pas glorifié. Là. Mm-hmm. Je ne suis pas glorifié. Puis moi, ce que je veux, c'est la gloire. Donc, je vais faire des choses dans ta vie, puis je ne les enleverai pas, même si tu me le demandes, parce que je veux que tu me glorifies. Je veux que les gens qui te regardent vivre, qui vont voir en toi les faiblesses, quand on dit aux gens, j'ai été sauvé par grâce, hein, je m'humilie. Puis je glorifie Dieu en disant ça. Je m'humilie parce que j'ai été sauvé par grâce, pas parce que je le méritais, j'ai été sauvé par grâce. Oui, mais qui t'a sauvé? Dieu m'a sauvé parce qu'il est bon, parce qu'il m'a pardonné en Jésus-Christ, parce que... Puis là, c'est Dieu qui est élevé, puis moi, je suis abaissé. Et je crois que la vie chrétienne... Dieu n'est pas glorifié par une église qui fonctionne bien, qu'on entend, parce que c'est pas la réalité d'abord, c'est pas la réalité, les églises sont en problème, sont toujours en problème. Fait que si moi j'étais en problème, puis toi tu l'es, puis toi tu l'es, puis toi tu l'es, puis puisqu'on se met ensemble, bien on est en problème toute la gang ensemble. Hein? Le corps a des difficultés, il n'y a rien que la tête qui fonctionne bien, à 100% bien, c'est Jésus-Christ. Mais nous, les membres, on réussit à faire l'œuvre de Dieu parce que la tête est parfaite. Mais nous, le corps, on est imparfait dans notre fonctionnement. Mais Dieu, dans sa force, dans sa puissance, dans sa capacité, va utiliser ce monde-là imparfait pour se glorifier. Donc, on se plaît là-dedans, dans ces choses-là pour Christ, parce qu'on comprend, ça l'amène de la gloire à Dieu. Ça l'amène de la gloire à Dieu. Et je suis fort. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce que je suis meilleur qu'hier, c'est parce que ça m'amène à dire gloire à Dieu. Ça m'amène à dire je suis reconnaissant. Ça m'amène à dire ben c'est pas à cause de moi. Ça m'amène à dire ben si Dieu l'aurait pas fait en moi, je l'aurais pas fait. C'est là, ça, donc c'est ça qui fait que je suis fort. C'est pas que là maintenant je suis fort, là je peux évangéliser, là je peux prier, là je vais être fort. Mais non, si c'est ça, tu vas ça ne sera pas loin dans le petit chemin que tu vas devenir orgueilleux, encore une fois. Si ça, tu penses, tu vas devenir orgueilleux. Puis je remarque que ceux qui pensent ça, avec le temps, vont commencer à juger, à condamner ceux qui ne le font pas comme eux autres. Ça. Ils vont commencer à faire ça parce que les autres vont dire, moi je le fais, parce que si tu ne le fais pas, c'est encore sur, bon, ben moi je dois être meilleur. À quelque part, je le fais, toi tu ne le fais pas, donc je dois être meilleur. Non. Ça peut que tu le fasses plus que moi. Mais si tu veux être, si tu veux que je te déclare fort, il faut que tu donnes la gloire à Dieu. Il ne faut pas que tu me parles de toi. Je veux dire, hey, je suis content de voir que tu fais ça. Puis, moi, je veux dire, ben, hey, moi, j'ai parlé du Seigneur, mais c'est pas moi, c'est Christ qui est en moi. Moi, je suis incapable. Je suis juste un être humain ordinaire, bien ordinaire. Ah, OK, là, je peux accepter que tu dis ça comme ça. Mais si tu me parles, puis tu me juges, puis tu me condamnes en même temps parce que je ne l'ai pas fait, là, je ne rends pas gloire à Dieu pour ce que tu as fait, puis je t'aime moins. J'ai plus de misère avec toi. Parce que là, tu m'as condamné, tu m'as jugé, tu me vois moins bien que toi, et moi, ça me rend agressif, comme tu disais tout à l'heure, tu me fais voir ma faiblesse, puis moi, ça ne m'aide pas, mais ça ne me pousse pas à dire, mais si tu m'aurais présenté ça, étant fort, puis donnant gloire à Dieu, j'aurais probablement mis au côté, moi, je me serais joint à toi, j'aurais dit, ouais, tu as bien raison. C'est parce que Dieu t'a aidé que tu as fait ça. Je me serais joint à toi. Mais là, j'ai plutôt tendance à être plus agressif parce que tu m'as calé en passant. Puis toi, tu t'es voulu t'élever. Puis moi, je sais bien que ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de ce que Dieu a fait en toi que tu es rendu là. Mais vous voyez, comprenez ce que je veux dire? C'est que d'être fort dans le texte, ici, ce que je comprends, c'est ce que Paul, il dit, ça me garde humble. Humble veut dire quoi? Je rends gloire à Dieu. C'est ça que ça veut dire, l'humilité. L'humilité, je me vois tel que je suis, puis je vois Dieu tel qu'il est, je lui rends gloire de tout ce qu'il a fait dans ma vie, de sa grâce pour moi, de sa force, de l'Évangile qui se répand dans le monde entier, de ce qu'il est en train de faire dans l'Église. C'est Dieu qui fait ça. Donc, Paul est content. On est content de glorifier Dieu. Oui. C'est le coup, des fois, c'est top, là, parce que des fois, on se fait dire des choses où on réalise qu'on fait. Mais quand on voit avec du recul que hey, Dieu, il a tout fait ça dans ma vie pour que je puisse le glorifier, puis ça nous amène une joie de glorifier Dieu, de voir qu'il fait un œuvre. Qui est à l'œuvre en nous. Ouais. C'est pour ça que l'inconverti, en général, l'inconverti ne se convertit pas parce qu'il n'accepte pas que Dieu lui a dit c'était orgueilleux, Dieu il n'accepte pas que Dieu lui dise c'était pécheur, il n'accepte pas ça. Donc, il se barricade, puis il dit, je suis pas si mal que ça, je suis pas si pire que ça. Il se barricade, puis il se glorifie. Donc, je suis capable de gagner mon siège, je vais faire des bonnes œuvres, je vais faire ci, Dieu n'existe pas. Quand celui qui a marqué sur Facebook cette semaine, je rends gloire à la vie, puis tout ça, bien, il y en a d'autres qui n'ont pas de gloire à Dieu. Là. Je ne sais pas c'était qui la vie là, pour lui. C'est qui la vie pour toi? Là? La vie est bonne pour moi. La vie est bonne. La vie, c'est qui ça? C'est quoi ça? Mais je comprends ce qu'il veut dire parce que j'ai déjà vécu ça. Je remercie je ne sais pas qui, mais ça va bien. Non, je suis content. Tout le temps que ça va bien aller, je vais dire merci à tout le monde. Puis là, il disait, je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ça, à mon bonheur, parce que c'est pour moi. Ça va, moi, je suis bien, ça va bien, là. Fait que tout le monde là est là pour moi, donc je connais. C'est valorisant, ça va bien, mais ça n'amène pas de gloire à Dieu. C'est un inconverti, on devine, c'est un inconverti. Moi, j'ai eu envie de remplir un autre paragraphe en bas, puis j'ai commencé tout le monde. C'est pas ça. Et je dis, hey, la vie, on pourrait-tu remplacer ça par Dieu? Je sais pas qui, on pourrait-tu dire, je sais qui? Puis je ne sais pas quoi. Oui, je sais quoi, c'est sa grâce. Je pourrais remplacer tout ça par le passage ici. Puis dire, hey, tu pourrais remercier Dieu qui te fait grâce. Tu ne mérites pas plus que le petit big de mort dans le fin du Micmac, la fois, qui vit dans la misère avec une grosse bedaine, puis qui n'a pas rien à manger, puis qui souffre, qui est malade. Tu ne mérites rien de plus que ça, là. Rien de plus que ça, là. Et tu pourrais rendre gloire à Dieu. Qui t'a donné ça pour le moment? Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être inversé un jour. Mais tu vas-tu être capable, quand tu vas être rendu là-bas, si Dieu permet ça, que tu vas-tu continuer à lui rendre grâce? Bien, oui. Oui. Mais la prière, on va moins l'utiliser pour enlever les choses négatives si on comprend que Dieu, lui, veut que je sois fort à travers ça. C'est son but. C'est ces choses-là arrivent dans ma vie. Mais moi, je veux les enlever. Je dis non, je les ai mis exprès. Il dit, pour Christ, pour que Christ soit glorifié, pour que Christ soit exalté, pour que Christ soit connu, il permet dans ma vie toutes sortes de choses. Il permet des faiblesses, outrages, calamités, persécutions, détresses pour Christ. Donc, même si je vis tout ça à cause que je suis un croyant puis que je proclame le Christ, je les accepte, ces affaires-là. Parce que Christ va être glorifié. Mais on va les accepter par la connaissance que lui est glorifié. Si je ne l'accepte pas parce que ça fait sa gloire, ça, il n'y a rien d'autre qui va me faire accepter ça. Il ne peut pas me dire autre chose. Ça, c'est le maximum. Si, parce que je suis reconnaissant en Dieu de sa grâce dans ma vie, François, je te laisse tes deux jambes coupées puis ils vont rester coupés. Puis je dis, si ça fait ta gloire, c'est correct. C'est correct, je l'accepte. Si ça, ça me motive, si ça, ça ne m'amène pas à l'accepter, là, il n'y a rien qui va m'amener à l'accepter. Tu diras que c'est ce que tu voudras, ma femme dira ce que c'est qu'elle voudra, mes enfants diront ce qu'ils voudront. Ça ne m'aidera pas à accepter le fait. Si la gloire de Dieu n'est pas suffisante, si la grâce de Dieu n'est pas suffisante ou sa gloire n'est pas suffisante pour m'emmener à d'être fort puis le glorifier, il n'y a rien d'autre qui va le faire. Rien d'autre qui va le faire. Parce que c'est la motivation suprême du croyant, la gloire de Dieu. Donc, OK, Seigneur, l'ange de Satan, je l'accepte. Je l'accepte parce que ça me garde humble. Et quand je suis humble, je deviens fort. Et quand je deviens fort, je te glorifie. Donc, je l'accepte. Mais des fois, il peut y avoir comme un laps de temps d'accepter quelque chose. Ben oui. Ça, trois fois, au moins, c'est là, trois fois. Non, mais... C'est au moins trois jours, là, tu sais. Il y a un accident qui achève, il meurt. Ça pourrait prendre trois mois, trois ans, là. Ben oui. Mais Dieu, dans sa grâce, il va emmener ses enfants à l'acceptation. Mais moi, je dois dire, Seigneur, j'ai de la misère à l'accepter, mais je ne vais certainement pas prier pour que tu l'enlèves. Non, je dis, j'ai une raison à ça. T'sais. J'ai une raison pourquoi c'est arrivé ça. Et Dieu a son plan, que moi je ne comprends pas tout. Je sais que c'est son plan, le glorifie. Mais tous les chemins qu'il prend me dépassent de loin. Finalement, pas le rendu grâce parce que Dieu a dit non. Oui. Finalement, oui. Et nous autres, ben, je crois que des fois, on va demander des choses au Seigneur, comme Paul peut dire, je pourrais demander au Seigneur quelque chose, dire, mais s'il ne me répond pas, je crois personnellement que ce n'est pas à force de lui dire qu'il va répondre. Ce n'est pas à force de lui demander qu'il va répondre. Je ne crois pas personnellement aux litanies. Vous souvenez-vous du mot, des litanies, vous ne connaissez pas ça? Vous n'êtes pas des bons catholiques, vous autres, ta gang? Une litanie, c'est quelque chose que tu répétais. Ouais. Tu, un peu en plein, tu te répands. L'Italie, c'est que tu disais à Dieu des choses, un peu comme Seigneur, quand c'est que tu vas agir, quand c'est que tu vas faire les choses, quand c'est, un peu comme Anne, Seigneur, elle répandait son cœur devant l'Éternel pour avoir un enfant. On appelle ça des litanies. C'est un mot latin. Et c'est pas à cause qu'on fait des litanies devant le Seigneur que Dieu va répondre finalement. Ah ben Paul, si tu le demandes un autre trois fois, je vais peut-être me laisser plier puis je vais te le donner. Non. C'est pas. Non. Nous, on le fait. Finalement, on répond parce qu'on est écœuré. Parce qu'on veut avoir la paix. Puis on dit, ah bon, je prends, allez, vas-y. Puis même si on sait que c'est pas ce qui est mieux, on est juste tanné. Mais quand que je comprends ça, dans ma vie de prière, je vais demander au Seigneur quelque chose. S'il ne me le donne pas, je dis, Seigneur, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Et je vais accepter ce que tu mets dans ma vie. Si tu veux le laisser là, laisse-le là. Et je vais vivre avec ça, puis je vais te glorifier. Tu as un but. Et ton but, c'est la gloire. Ton but, c'est que toi, avec moi, dans ma vie de tous les jours, tu veux te glorifier. Donc, ça a certainement un rapport avec ça quelque part. Parce que c'est l'unique raison de mon salut, ta gloire. Donc, je me dis, je m'en vais dans cette direction-là, puis je me dis, Seigneur, ce que je pense à ce moment-là, c'est quand ma fille est décédée, personne ne comprenait. Là. Personne ne va dire, moi, je sais pourquoi. Là. Non. On disait, mais il n'y a personne qui aurait pris ce chemin-là. Il n'y a personne qui aurait demandé ça. Il n'y a personne qui aurait... Mais est-ce qu'on... Seigneur, on ne voit pas plus loin de pourquoi c'est arrivé. Mais c'est arrivé. Puis tu es souverain. Donc... Nous, là, on s'apitoie sur notre propre sort, on s'apitoie sur nos difficultés à nous, mais elle est bien, ta fille, elle est ton enfant, elle est bien, elle est avec toi, et toi, tu vas te glorifier à travers ça. Donc, on était fort quand on était capable de dire, Seigneur, tu fais toutes choses à merveille, tu fais toutes choses bonnes dans son temps, tu as ta raison, on ne la comprend pas, on l'accepte, et peut-être qu'on va le comprendre plus loin, peut-être qu'on ne le comprendra jamais, mais on continue à te servir, à te glorifier à travers ça. Donc, on devient fort à ce moment-là. Mais si on s'apitoie, puis qu'on vient même des fois devenir aigri, puis on devient en colère, et là, on ne donne plus de gloire à Dieu. Là. On est un peu en combat avec Dieu. Ça peut prendre une semaine, deux semaines, un mois, deux mois. Et là, finalement, par sa grâce, il me dit, « Hey, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » C'est pour ça qu'il dit, compte les bienfaits de Dieu. Tu sais, compte, va... Commence à dire, voici ce qu'il m'a fait, voici ce qu'il m'a donné, voici ce qu'il a fait. Ah ouais. C'est vrai. Ça, c'est encore pour mon bien. C'est moi qui ne le comprends pas. Est-ce que tu veux me garder humble, Seigneur, à travers ça? Est-ce que tu veux me rendre patient? Qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas tout. Mais je comprends que c'est pour ta gloire. Et que je peux être fort dans la situation si j'accepte que ma vie est là pour te glorifier, pour te louer, pour t'exalter. Et je crois que dans tous les moments, c'est pour ça que je crois que Paul pouvait être dans la prison, hein, puis chanter, même s'il avait été fouetté dans la journée. Et c'était pas qu'il était une espèce de... Non, il pouvait méditer sur le fait, c'est pour Dieu, Dieu va se glorifier, je sais pas comment, mais si je suis dans ses mains, puis lui, il sait tout ce qui m'arrive, puis il n'y a personne qui peut me toucher si lui ne veut pas. Il n'y a personne qui peut rien faire dans ma vie si lui ne veut pas. Puis donc, automatiquement, il y a une raison pourquoi je suis là. Donc, si je le comprends, je le comprends. Si je ne le comprends pas, je ne le comprends pas. Mais je suis là pour ta gloire. Donc, je chante les louanges. Si je peux mourir ici, je vais mourir ici. Mais je continue à te louer, à te glorifier à travers ça. Là, il peut y avoir des laps de temps. Il peut y avoir besoin d'encouragement des frères et sœurs. Il peut y avoir toutes sortes d'affaires qui peuvent venir à l'entour de ça. Ouais, faut faire attention. De ne pas dire ça va être instantané. Ouais, c'est comme nier nos affaires. Non. Puis non. Aussi de se faire dire, ben là, c'est la gloire de Dieu. Tu perds ton enfant, ben gars, c'est la gloire de Dieu. C'est pas si facile que ça, non? Non. Mm-hmm. On peut attendre une couple de jours avant de dire ça comme ça, là. Mais, si elle veut venir qu'elle loue Dieu, il faut qu'elle arrive à cette appel-là. Mais comment ça va faire? Ça va dépendre du chrétien, de la maturité qu'il a déjà, de l'expérience qu'il a déjà de la vie chrétienne, la connaissance qu'il a déjà dans sa vie avec le Seigneur. Tout ça va jouer là, dans la situation. On n'est pas le standard. Non. Donc, c'est pour ça que... quand même être un être humain. Ben oui, avec nos faiblesses. Mais le principe, il est là. Oui, c'est bon. Ma prière, ce n'est pas pour enlever ce que Dieu veut amener dans ma vie. Et lui, il a demandé 3 fois, il a dit non. Bon, moi, j'aurais pas pu de misère qu'il a dit, je t'ai demandé une fois, puis tu as dit non, puis ça aurait été la même affaire pour moi. Moi, j'apprends que quand je demande quelque chose à Dieu, puis je me dis, Seigneur, je pense que c'est ça ta volonté. Si ça n'arrive pas, c'est fini, je ne demande plus. C'est, arrête cela. Je fais d'autres choses. Je m'en vais dans une autre direction. Parce que je ne crois pas que la répétition va emmener une réponse favorable à ce que je demande. Je crois que Dieu n'est pas un cœur dur ou une oreille dure. Il a compris ce que j'ai dit, même avant que je le comprenne, il savait déjà ce que j'étais pour dire, il avait nous dit. Donc automatiquement, je me dis, hey, je pensais que c'était ça, mais je m'aperçois que c'est pas ça. Mais encore là, nos prières, en général, c'est qu'on veut contrôler un peu la vie qui nous entoure avec ça. On veut contrôler ça. Contrôler la température, on veut contrôler la vie, contrôler nos enfants, contrôler notre petit monde dans lequel qui est là. Quand ce n'est pas la réalité. Ça n'a pas été donné pour ça. Il y en a un qu'un qui contrôle mon monde, c'est Dieu lui-même. Lui, il a le contrôle sur mon monde. Et c'est bien mieux comme ça. Pourquoi donner le contrôle à un impotent, à un pécheur? Quelqu'un qui ne va pas plus loin que son nez, comme on dit en québécois. Quelqu'un qui est un. Qui des bonnes intentions, là, mais. Et aussi un péché. Donc, pourquoi pas laisser ça dans les mains. Quelqu'un disait dernièrement. Comment est-ce qu'il dit ça? Suis les penchants de ton cœur. Tu sais, on va dire, si ton cœur te dit que c'est correct, vas-y, suis ton cœur. Je dis, hey, my friend. Ça, c'est pas évident, là. C'est pas évident. Tu es bien mieux de faire confiance à ton cœur parce qu'il peut t'amener dans le champ de pétate. T'amener dans le champ de pétate, c'est ce cœur-là. Tu peux faire confiance à Dieu. Oui. Parce que Dieu, je peux y faire confiance. Parce que lui, il a une connaissance parfaite de toutes les situations. Et lui veut toute chose pour le bien de l'être humain et pour sa propre gloire. Il sait comment ça marche. Donc, ça, c'était la dernière petite portion de l'apôtre Paul. Et ça nous donne un principe, une idée, comment est-ce qu'il vivait sa vie de prière. Il priait Ça ne marchait pas. Il arrêtait. Je ne sais pas si. Comment on peut dire qu'il écoutait Dieu, puis ça, Dieu il a dit quelque chose. Automatiquement, il dit, bon, mais j'apprends, je me plais à vivre dans la faiblesse. Et je crois que le chrétien, c'est ça qu'il doit comprendre. Parce que si tu étudies l'être humain dans les Écritures, tout ce que tu vas découvrir, c'est un être faible, vulnérable, pécheur. Et c'est quelqu'un qui est tordu. L'être humain est comme ça. Dans les mêmes, j'étais dans un groupe de chrétiens, puis on parlait de ce qu'on appelle en théologie la dépravation totale. Puis il y a des chrétiens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, puis chrétiens, puis disaient, mon ami, on n'a pas encore accepté le fait que c'est comme ça. Totalement. Puis des fois, on parle, puis on dit, mais tu n'étais pas dépravé totalement avant d'être sauvé, toi? Oui. Puis un dépravé total, es-tu capable de faire ça? Ah ben là. Et on a de la misère à accepter le fait qu'on était totalement dépravé. Ça veut dire quoi, ça, cette affaire-là? Et l'être humain, il est comme ça. Il se convertit par la grâce de Dieu. Mais c'est pour ça que je peux voir. 1 Corinthiens, on pense que ça a été écrit peut-être. Ça a été écrit avant l'an 70. Mettons 30 ans après que Jésus-Christ est mort. Mettons l'an 60. Paul, ça fait combien de temps qu'il est sauvé? Peut-être 20 ans, 25 ans qu'il est sauvé. Puis il est encore pogné avec ça. Avec cet orgueil-là. Mm-hmm. Moi, ça me donne à moi une espèce de... Ben, oui, dans le sens que... Pas dans le sens que, ben, je connais, je suis là, mais dans le sens de dire, c'est normal ce que je vis. Je suis pas un chrétien bizarre. Je ne suis pas un chrétien bizarre. Mais j'ai le même... Dieu, dans sa grâce, dans sa souveraineté, dans son amour pour son corps, pour son Église, il va encore mettre des écharpes dans la chair. Il va encore faire ça pour aider son Église à faire ce que lui veut que l'Église fasse. Il n'est pas dans l'attente de nos prières pour faire l'œuvre, faire son œuvre. Il n'est pas dans l'attente de nos prières. Et moi, j'ai cru ça longtemps. J'ai cru ça longtemps. Que Dieu était dans l'attente de nos prières pour faire de quoi? Dans l'attente de nos prières pour sauver quelqu'un, dans l'attente de mon évangélisation pour sauver quelqu'un. Puis c'était pesant, c'était pas facile la vie chrétienne. Puis j'avais toujours l'impression que je n'ai pas fait assez. Puis si je n'en fais plus, ça arriverait peut-être ça sera peut-être. Non, c'est pas le même. Tous les élus vont être sauvés, il n'en manquera pas un. Et toute la gloire qu'il voulait avoir du salut qu'il a accompli, il va l'avoir. Il va l'avoir. Il n'en manquera pas un once, si on peut mesurer ça comme ça. Parce que c'est lui qui est à l'œuvre, qui est en train de le faire. Mes prières, je crois aussi. C'est pour ça que je me dis, Paul croit que si on lui donne les meilleures intentions du monde, comme on dit, que si Dieu enlèverait les chars dans la chair, il fonctionnerait mieux pour Dieu. Même si je donne les meilleurs motifs. Là. Mais Dieu dit non. Il l'accepte. Il l'accepte. Donc, et je me dis, nous, il faut accepter des noms à nos prières, comme ça des fois. Il faut accepter des noms à nos prières. Et je crois que même si on pense que c'est pour Dieu, même si on pense que ça ferait la gloire de Dieu, même si on pense que ça glorifiait Dieu, si Dieu ferait ça, s'il dit non, c'est non. Et moi, je sais quand il dit non. Juste une façon que je sais quand il dit non, c'est quand il ne répond pas. quand il n'a pas répondu, je sais que c'est non. Je n'ai pas besoin de me poser la question si Dieu veut, s'il voudrait, il le ferait. Mais s'il me dit, si je donne un exemple, Seigneur, fais ça, puis il ne le fait pas, mais c'est parce qu'il ne veut pas. Puis moi, ce que je fais dans cet état-là, ce que je dois apprendre à faire, ce que je dois faire, c'est me plaire dans mes faiblesses, me plaire dans mes difficultés, me plaire. Lui, c'est qu'il parle dans la persécution, dans les calamités, dans tout ce qui se passe autour de moi. J'apprends à me plaire là-dedans. Mais je crois que c'est une attitude intérieure qui se développe, qui se développe par la connaissance, qui se développe par l'apprentissage. Et moi, en tout cas, je sais que vous allez l'expérimenter déjà, peut-être, puis peut-être encore l'expérimenter plus. J'éprouve des joies plus intenses présentement dans ma vie chrétienne parce que je crois que tout est pour lui et rien que pour lui. Plus que, qu'avant dans ma vie chrétienne où je n'y avait pas qu'à d'affaires que je pensais, que je me. Je pouvais me réjouir, mettons, quelqu'un était sauvé, ça faisait ma joie. Puis il y avait de la joie là-dedans. Mais j'éprouve plus de joie aujourd'hui à penser que tout est fait pour lui, juste pour lui, rien que pour lui. Je suis là juste pour lui. Je suis pas le nombril du monde, c'est lui le nombril du monde. Et ça m'amène plus de joie. Puis je crois que c'est cette joie-là que l'Esprit Saint veut emmener dans le cœur du croyant. Que cette joie qui fait que quand je le fais pour Dieu, que je cherche la gloire de Dieu, il y a une joie qui naît, qui vient de l'Esprit de Dieu dans nous autres. C'est jamais parfait. La joie, c'est jamais parfait parce qu'on ne lui donne jamais totalement la gloire parfaitement. Donc, on lui donne la gloire, mais on en garde un petit peu pour nous. Une couple de pourcentage pour nous. La gloire, Seigneur, à 90%. 10% encore un petit peu pour moi. Mais on ne le dit pas de même, là. Non. On va lancer une petite parole à travers. Ouais. Avez-vous déjà fait ça? Vous priez en avant, puis vous louez le Seigneur. Puis, du coup, pendant que vous louez le Seigneur, vous êtes rendu compte que vous êtes en train de vous vanter. Ouais. Oh, non. Même pendant que je suis en train de louer le Seigneur en église, je me vante. Même là. Mais il y a peut-être des gens dans l'Assemblée qui vont louer le Seigneur pour ce que je dis. Ça n'empêche pas que moi, je suis en train de. Je suis pas correct, là. Que, c'est pour ça que je dis que Dieu n'attend jamais que je sois parfait pour faire de quoi, parce qu'il ne se passera jamais rien. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce texte-là? Est-ce que vous avez des partages à faire? Puis si c'est complet, c'est complet. Hein? Peut-être juste mentionner ou l'expliquer, quand il dit « je me plais dans ma faiblesse », c'est pas qu'il dit « je suis content de pécher ». Non. Vraiment, j'accepte, je suis heureux de constater que ça repose pas sur moi. Oui. Parce que je me plais, c'est le mot faiblesse, ce n'est pas péché, là. Mm-hmm. OK? C'est pas faible. C'est dans l'état que lui, il dit, cette écharpe dans la chair, on ne sait pas c'est quoi. Non, mais il dit, pendant qu'il était en. Là, il parle, pendant que je suis persécuté, je suis dans un état de faiblesse. Quand je suis en prison, je suis dans un état humain, je suis dans un état de faiblesse, je ne peux pas rien faire, je suis enfermé dans ma prison. Je ne peux pas rien faire, là. Ou je pourrais dire, j'ai tout perdu mon argent, je suis dans un état de faiblesse. Ben, c'est dans ce sens-là, c'est pas dans un état de faiblesse. Je me plais dans la convoitise que je fais de la femme du voisin. Mettons un exemple. Mais c'est pas ça qu'il parle, là. On sait bien que c'est pas ça qu'il parle, là. Parce que, mais il dit, vu que l'ange de Satan me rend faible, on ne sait pas comment au juste, mais ça le rend faible, c'est là-dedans qu'il se plaît. C'est pas je me plais dans mon péché, je me plais dans mes folies, c'est dans ce sens-là. Mais si je veux appliquer, si je veux aller plus loin que le texte, puis appliquer ça dans mon état de péché, quand je pêche, ça démontre un état de faiblesse, le péché aussi. Mais je ne me plais pas dedans. Mais cet état-là qui démontre ma faiblesse de ma chair, je peux l'utiliser pour glorifier Dieu, dans ce sens-là aussi. Mais je ne me plais pas dans le péché. Jamais. Ma chair se plaît dans le péché, ça c'est sûr. Mais moi, le chrétien qui a été régénéré, qui est sauvé, qui est né de nouveau, se plaira jamais dans le péché. Jamais. Et je crois que, il me semble que je vous l'ai déjà dit, je crois, moi, qu'il y a une partie de moi qu'on appelle la nouvelle personne qui est en moi, ne pêche point. Elle ne pêche point. Cette partie-là. La partie de moi qui pêche, c'est la chair. C'est pour ça que j'ai un conflit. Parce que si cette partie-là pouvait pêcher, puis qu'elle se rejoint avec l'autre, qui veut toutes les deux pêcher, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Avec quoi je vais m'en sortir? Non, cette partie-là, c'est l'Esprit de Dieu. Qui est en lien avec l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est cette partie régénérée qui est en lien avec l'Esprit de Dieu, qui combat ma chair. Mais si les autres tombent dans la chair, dans les mêmes désirs que la chair, puis avec la même chose que la chair, qu'est-ce qui me reste? Avec quoi est-ce que je vais combattre maintenant? J'ai plus rien. C'est pas l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Oui, mais l'Esprit de Dieu, c'est pas mon esprit. À moi. Moi, j'ai mon esprit à moi. C'est cette partie-là qui a été régénérée. C'est pas l'Esprit de Dieu qui n'a pas été régénéré. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin d'être régénéré. Oui, il est venu. Mais il a fait un miracle. Il m'a régénéré. Mais là, moi, je suis passé de la mort à la vie, ou, peu importe comment ce qu'on le dit. Donc, j'ai été régénéré. Et là, lui, il vient habiter en moi. Donc, mais lui est en lien maintenant avec mon esprit à moi. Ce qu'on appelle l'âme, ce qu'on appelle cette partie-là que Dieu a mis en moi, qui est capable de communiquer avec Dieu. Que les cochons n'ont pas, ou les vaches n'ont pas. Il a soufflé sur moi, je suis devenu un âme vivant ou un esprit vivant. Cette partie-là qui était morte à cause du péché, il l'a régénérée. Et là, elle est capable maintenant de communiquer à nouveau avec Dieu, communiquer à nouveau avec l'Esprit de Dieu qui est en moi. Je ne sais pas comment ça fonctionne, les circuits à l'intérieur, entre quand l'Esprit parle et que mon esprit comprend. C'est pas évident de comprendre comment ça se passe. Hein. Mais la Bible même dit que ça se passe. C'est ça que Paul comprend, ça, quand il dit « Il m'a dit ». C'est ça qu'il veut dire? C'est-tu cette communication-là intérieure entre l'Esprit de Dieu et son esprit? C'est une révélation qu'il y a eue, parce que pour les apôtres, la révélation était possible. Pour nous autres, c'est pas possible, mais pour nous autres, c'était possible. Ou est-ce qu'il est venu à comprendre un principe des Écritures qu'il avait déjà reçu de la part de Dieu, mettons dans Galates, ou dans parce qu'il avait eu des révélations avant pour écrire Galates, l'autre livre qui était déjà écrit. Et c'est-tu à travers ce que Pierre avait écrit, ce que Jacques avait écrit, ce que Jean avait écrit, Matthieu, c'est-tu en lisant ça que lui, il a compris des choses? On ne peut pas être sûr. Nous, c'est sûr. Pour nous autres, c'est sûr. Lui, on a cette petite option que peut-être qu'il y a eu une révélation. Comme qui était dans le paradis. Lui, on peut dire peut-être que ça s'est passé pour lui, mais pour nous autres, ça ne s'est pas passé. C'est sûr et certain. Nous, on ne peut pas être arrivés au paradis. Dans ce sens-là. Mais on a eu la révélation qu'on devait avoir par les Écritures. L'illumination. L'illumination. Okay, ouais. La révélation, ça, c'est ce que Dieu a révélé à des hommes pour qu'on puisse connaître sa volonté. Et c'est ça. C'est révélé, on peut dire tout. C'est un non, terme, c'est un terme, c'est pas un bon terme théologique. Dieu nous a illuminés pour qu'on comprenne la révélation qu'il avait faite de lui, qui est dans les Écritures. La révélation est dans les Écritures. Et donc, il y a des hommes qui ont été inspirés pour écrire la révélation. Moi, je suis illuminé par le Saint-Esprit pour comprendre cette révélation-là, inspirée. Illuminé. Parce que le mot, là, parce que des fois, on va entendre, puis on comprend ce que les gens veulent dire. Dieu m'a révélé. C'est Dieu qui t'a fait comprendre, là? Oh, oui, c'est ça qu'il veut dire. C'est ça que je veux dire. Il m'a fait comprendre. Okay? Parce que révélé, quand Paul lui dit j'ai eu une révélation, parce que la définition de la révélation en théologie, c'est que. C'est que l'homme connaît quelque chose qu'il était impossible de connaître à l'homme par ses propres moyens. Il fallait qu'il y ait quelque chose à l'extérieur de l'homme, qui est Dieu, qui lui dise ça. Comme Moïse n'a pas pu savoir comment le monde a été fait. Il n'était pas là. Il n'y avait aucun être humain qui était là. Fait qu'il n'aurait pas pu savoir. Il faut que Dieu dise, le premier jour j'ai fait ça, le deuxième jour j'ai fait ça, le troisième jour j'ai fait ça. Il faut que quelqu'un le dit parce que l'homme était là juste le sixième jour. Fait que, il a pu se revirer le bord et dire « Oh! Il y a un gros bing-bang! » Il a pu dire n'importe quoi, là. Il n'était pas là. Mais il peut dire « Dieu nous a dit que c'est lui qui l'a fait. » Il l'a dit à travers Moïse. C'est lui qui l'a fait. Puis je crois qu'il a pu en dire avec Adam et Ève parce qu'il parlait avec lui dans le paradis. Mais l'homme a eu une révélation. Parce que là, il n'aurait pas pu le savoir. Quand, mettons, Satan parle avec Dieu dans le ciel, dans le livre de Job, pas moyen de savoir ça pour l'être humain. Mais pour qu'il sache ça, il faut qu'il y ait une révélation. Et là, ça, on appelle ça une révélation. Et donc, mais cette révélation-là, quand la personne qui a écrit Job s'est assise pour l'écrire, elle a eu une inspiration. Dieu a guidé cet être-là pour qu'il écrive seulement que la vérité, et c'est seulement ce que lui voulait avoir dans le livre pour que ça se transmette à toute la... C'est pas pareil, hein? Chacun a pas, puis même à travers son style d'écriture, ouais. La personne, sa personnalité. Garder sa propre personnalité, son propre style littéraire. Il a utilisé les styles littéraires propres à son temps, comme le style littéraire apocalyptique, qui c'était bien précisément à un temps. Nous autres, en général, aujourd'hui, on a un style littéraire de science-fiction qui n'était pas là, en arrière, mettons, il y a 200 ans, mettons, exemple. Donc, on pourrait écrire, Dieu aurait pu inspirer quelqu'un pour écrire un livre de la Bible en science-fiction, parce que c'est un style littéraire qu'on comprend aujourd'hui. Donc, les gens ont utilisé des styles littéraires de leur époque pour écrire les vérités que Dieu voulait que nous en reçoive. C'est pour ça qu'on voit de la poésie, qu'on voit de l'Apocalypse, on voit toutes sortes des psaumes, des chants, c'est toutes des sortes de styles littéraires. Mais, et là, cette révélation-là et cette inspiration-là, nous, on n'est pas capable de la comprendre en tant qu'être humain sans l'intervention de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Là, on appelle ça l'illumination. Illuminé. Pas la même illumination que Bouddha. Vous savez que le mot Bouddha veut dire illuminé. L'illuminé. Bon, ben, Bouddha. Tu comprends ce mot-là, là? On va terminer dans la prière. Patrick, tu veux terminer? Bon, Père du ciel, plus on apprend de toi, plus tu nous illumines, oui, plus tu nous fais comprendre ta parole, ta révélation, plus on est poussé à te glorifier, plus on a ce désir, Seigneur, de te louer. Tu es grand, tu es bon, tu es juste. Et Seigneur, on te rend grâce pour ta parole qui est la vérité, qui nous éclaire. Merci pour les frères et sœurs, pour ce partage que nous avons, qui est édifiant et à ta gloire, Seigneur. Ouais. On te prie encore pour tout le temps que tu veux nous garder sur cette terre, afin que nous comprenions de mieux en mieux ta parole, afin de te louer de mieux en mieux. Ouais. Seigneur, on te prie on te rend grâce tout simplement pour ce que tu fais. Ouais. Que tu te révèles à nous. Que tu nous as donné ta parole. Que tu nous as donné les frères et sœurs afin de nous parler, de nous enseigner. On te rend grâce d'avance, Seigneur, pour tout ce que tu veux accomplir dans nos vies qui va te glorifier. Ouais. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour ton Église que tu bâtis, que tu construis, que tu édifies. L'épouse, Seigneur, que tu as préparée, elle est parfaite pour toi. Ouais. On te rend grâce pour qui tu es, Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen.